Valse veut nous menacer, voir nos corps entassés. Souviens-toi du passé, ils nous ont agressés. Quand leurs avions décollent, ils bombardent nos écoles, nos terres. Ils cambriolent et s'emparent du pétrole. Après toutes ces années de combats acharnés, le calife a rené la vengeance. Par Allah, vous allez payer une facture onéreuse qui laissera entrevoir une fin pleine d'amertume et qui précipitera le retour d'El Andalus. Ça, c'est pour François Hollande. Ma calache est armée, les civils désarmés. J'élimine des Français, c'est parce qu'il faut remercier. Ceinture, c'est quatre branchés. Dans une foule déclenchée, j'explose des Français. C'est vaste qu'il faut remercier. Les musulmans s'élancent, s'explosent au stade de France. Déclenche l'état d'urgence, ça crie dans tous les sens. Concert au Bataclan, j'attaque en rafalant. Du sang de porc giclant, pour passer tout son clan. Photo bien aiguisé, cible localisée. J'décapite des Français, c'est vaste qu'il faut remercier. Vos calibres chargés, les koufars en danger. J'élimine des Français, c'est vaste qu'il faut remercier. Commando militaire, le I commanditaire. Dillon se révoltaire, Charon Bichat Voltaire. Vous pouvez tous le faire, Koulibaly mon frère. Le RAF est payé cher, carnage hyper cachette. Ma calache est armée, les civils désarmés. Bruxelles est à l'armée, Michel est à blâmer. TATP branché, dans une foule branchée. Les Belges enflammés, Michel est à blâmer. Attaque synchronisée, l'aéroport ciblé. Bombe dans la valise, Bruxelles paralysée. Un frère déterminé, dans un wagon miné. Pour les exterminer, voir l'islam dominer.